Je crie mais y'a personne. Je vous entends pas, je vis dans ma bulle. Je fais les 100 pas comme en cellule. Je fais partie de la multitude, ça amplifie ma solitude. Oh mon Dieu, je me sens si triste. Redis-moi pourquoi j'existe. Promis, je te demanderai plus rien. Je veux juste qu'on me tienne la main. Je crie mais y'a personne. C'est juste ma peine qui résonne. Pas une ombre qui passe. J'ai peur qu'on m'oublie, qu'on m'efface. À l'OSU, ça fait longtemps que j'erre. Où sont les rêves qu'on faisait quand t'étais moi? Tu dis raison avant les sentiments. Tu te mens à moi-même, moi-même. Pourquoi je me sens si triste? Malgré la fame et le monde tout, j'ai besoin de souffler. Mes sourires crient des appels à l'aide avant que tout s'arrête. Je crie mais y'a personne. C'est juste ma peine qui résonne. Pas une ombre qui... J'ai peur qu'on m'oublie, qu'on m'efface. Mais je crie mais y'a personne. Je crie mais y'a personne. C'est juste ma peine qui résonne. C'est juste ma peine. Pas une ombre qui passe. J'ai peur qu'on m'oublie, qu'on m'efface. Je crie mais y'a personne. Personne.